Coué? Coué? T'es avec nous? Oui. Ok. Alors, on l'entendait justement, ta voix, dans un enregistrement que j'ai réalisé à ce qu'on appelle Québec il y a quelque temps, devant le Parlement. Donc, la lutte est en cours. Tu peux nous parler, c'est quoi le but de la lutte? C'est quoi la situation? Le but de la lutte actuellement pour la Première Nation, pour les premiers regroupements... toutes les familles, en fait, c'est de reconnaître nos modes de vie sur le territoire, de la façon dont nous a été enseigné par nos pères, nos ancêtres, nos grands-pères, les valeurs traditionnelles du territoire avant l'arrivée là des Européens, sans l'influence là des instituts coloniaux là, actuels qui imposent leur façon de faire. Dans la négociation au niveau des traités qui divisent les nations autochtones, tous les traités coloniaux, il n'y a aucun traité au Canada qui respecte les droits aborigènes des peuples traditionnels antérieurement. Tous ces droits-là, il y avait une confédération, il y avait une constitution qui était là, très en place, très puissante, est encore présente, n'a jamais été abolie. Ces traités-là viennent diviser toutes les nations, les tables, que ce soit à Tikamek, il y a une table des Inuits. Les gouvernements, c'est la stratégie des gouvernements de diviser. Mais nous, le but dans là-dedans, c'est de rallier l'ensemble, c'est de s'unifier dans cette structure-là traditionnelle. Parce que c'est de ça que parlent aussi les hommes sages de la nation. Moi, je les appelle les sages parce qu'il y en a encore, des guides spirituels. Et c'est pour ça que c'est important, je pense, de rallier la cause avec les Anishinaabés, les Algonquins, les résistants, c'est nous, les résistants. Puis on va devenir, c'est l'unité, présentement les divisions apportées par le gouvernement divisent, mais il faut se revenir à ces valeurs-là ancestrales, notre mode de vie avant les structures que nous avions avant l'arrivée des Européens, les organisations sociales, par clans familiaux sur le territoire, qui ont des liens avec le territoire, tout l'ensemble, toutes ces structures-là. Donc c'est important pour les générations futures, mais pour aussi garder vivant le mode de vie et notre culture bien vivante. Parce qu'actuellement, la politique Canada, c'est tuer l'Innu, tuer à travers la loi des Indiens, Indian Act, l'assimiler, c'est un génocide actuellement. Donc, le Canada perdure, donc il respecte aucunement notre droit de nous diriger nous-autres même selon nos valeurs. Que nous avions et que nous avons encore aujourd'hui. Toi, tu es à Mastoyage, c'était le porte-parole d'un regroupement. Est-ce que tu peux nous parler de ce regroupement? Oui, ben moi, je suis porte-parole. On est un regroupement des familles traditionnelles, chasseurs, cueilleurs, ils, nous. En fait, ça, ce regroupement-là, c'est on s'est constitué il y a quelques mois là, pour se positionner contre le traité actuel là, qui est négocié là, pour notre communauté. On vient de Machtéouillat. Et parce qu'actuellement, le chef, là, le conseil de bande, il négociait des traités avec le gouvernement. Et nous, on s'est positionné contre et on a décidé de faire un regroupement là, pour une organisation de structure traditionnelle sur le territoire. Parce que, comme j'ai toujours dit, Apuchimatat, Pigwagumunustakwegan, c'est pas les conseils de bande qui sont les chefs sur les territoires et qui vont décider avec imposer la loi des Indiens. Et c'est véritablement les familles traditionnelles issues de clans familiaux qui occupent les territoires depuis des millénaires. Donc, ce droit-là, moi, là, on est certaines personnes qui ont participé au regroupement. On est une centaine. Mais le droit-là, tu sais, toutes les familles qui sont originaires du territoire ont ce droit-là. Ils sont des chefs de territoire. Puis ils ont des modes de gestion traditionnels de père, acquis de père, en fait, depuis des millénaires. Puis on doit se réapproprier ça. Puis on doit faire notre place. Il faut arrêter d'être s'agenouillé devant les multinationales. Devant toutes ces compagnies qui viennent saccager nos territoires pour un petit regroupement de gens, d'une poignée de main de gens qui vont dire « Ah, ça va faire de l'emploi, ça va faire de l'emploi. » À un moment donné, il faut voir à long terme, pour nos générations futures, des développements plus écologiques, éco-responsables, pour protéger les de nos territoires, pour pouvoir léguer une terre propre pour nos enfants, un avenir, tu sais. Si on lègue une terre contaminée avec des trous, comme c'est présentement avec le projet Pétrole Trans-Canada, les fuites, on regarde présentement sur la map tous les projets. C'est pas des projets de développement durable, c'est des projets de multinationales qui viennent saccager une état sinane et qui n'ont aucun respect de nos territoires et de nos valeurs. Donc, c'est pour ça que nous, on a créé ce regroupement-là. Et moi, c'est une aînée qui m'a approché, qui est venue me chercher dans mon village, Madame Xavier, pour la lutte. Elle m'a demandé qu'elle avait besoin d'aide pour les jeunes. J'ai accepté, là. Et depuis ce jour-là, ben, je suis dans le mouvement, là, la résistance à Michtéliats, les familles traditionnelles. Est-ce que tu peux nous parler des actions qui ont eu lieu? Il y a eu déjà pas mal. Ça a bougé beaucoup. Oui, il y a eu quelques actions. Effectivement, on a commencé avec un blocus avec sept chasseurs inoux cueilleurs dans le coin là, du lac Saint-Jean à Gérardville. C'est tout près, là, c'est une municipalité locale. Là, ça a été colonisé dans les années 1860-70. Puis nous, on est arrivés là, on a pris un chemin forestier, puis on a bloqué carrément là les vannes de bois, là, c'est-à-dire les transports de bois d'œuvre là, de Résolu, la compagnie Résolu. On a bloqué le chemin, on a dit non, c'est assez. Là, on voulait faire un message clair au chef qu'on s'opposait au traité. Là. On voulait pas aucun traité. Les droits que nous avons sont non négociables. Un droit de survie est non négociable. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on s'est positionné face à ça, parce que la politique actuelle des traités, comme je répète toujours au Canada, ils vont reconnaître les droits des Inuits ou des autres peuples seulement s'ils cèdent la grande majorité de leur territoire. Donc, si vous comprendrez que c'est une cessation. Moi, j'appelle ça un génocide ethno-culturel, dans le sens que tu vas prendre le territoire à travers le traité, il va être cédé. Puis c'est comme c'est notre endroit où on pratique notre mode de vie, nos valeurs, c'est l'endroit où on peut pratiquer nos activités traditionnelles.